every breath you take. Hello, you play police? Salut Stéphana. J'ai cru entendre police. Just a minute. I test. Ouais. If you want, I could sing this song. Je peux chanter. Every breath you take, every single day. Synchronize. Everybody asks for voting. I'm ready to sing with you. Attention, mon anglais est pas très bon. Not good, but I could do this maximum. Alors attends, encore moi il faut que je m'entende. La batterie j'entends bien. Montez un peu Stéphana. Voilà. La basse c'est Akon, c'est ça? Ok, Akon. Okay, let's go. Every breath you take. Attends, on va partir ensemble. I start at measure one. Okay? I'll be watching you every single. Bonsoir Paris. Watch. la batterie, Hiro. À la guitare, Stefana. Et à la basse, Akon. Faites du bruit pour tous ces gens. Yes. Allez, on s'en fait un dernier. Thank you, very nice. Hello, Frankie Monkey Girl. Frankie Monkey Girl.